C'est un village perdu dans les montagnes de la Haute-Provence. Sur la placette ensoleillée, c'est la sortie de l'école communale. Les enfants s'avancent en rang à travers la cour, et sitôt la porte franchie, ils s'enfuient comme une volée de moineaux. L'instituteur paraît le dernier, et il referme le portail derrière lui. Il est très jeune, il doit sortir de l'école normale, et c'est certainement son premier poste. Il tire une petite clé brillante de sa poche, ouvre la boîte aux lettres et y prend le petit provençal. Un paysan d'une quarantaine d'années, qui porte un pantalon de velours retenu par une taillole bleue, s'approche de lui et le salue. Bonjour, monsieur l'instituteur. Adieu, Pétugue, ça va? Très bien, monsieur l'instituteur, très bien. Je voulais vous demander un petit service. Vas-y. Vous connaissez Casimir, le gérant du cercle, celui qui a le tabac? Oui, alors. Alors, il faudrait lui dire qu'il y a un chien mort dans son puits, le puits du cercle. C'est Cassotte qui l'a vu tomber dedans. Si on ne le prévient pas, dimanche, il nous fera boire de ses tours l'apéritif. Alors, il faut lui dire. Et pourquoi Cassotte, il lui a pas dit? Ah, il peut pas. Ils sont fâchés. Ils se sont battus il y a 20 ans au régiment, alors depuis, ils sont fâchés. Enfin, il va bien prendre l'apéritif au cercle le dimanche. Ah oui, mais il lui parle pas. Il commande à la bonne, comme moi. Parce que moi aussi, je suis fâché avec Casimir. Et pourquoi? Oh, ça vient de loin, hein. Son père était fâché avec mon père. Et mon grand-père était déjà fâché avec son grand-père. Et mon grand-père, il ne savait pas pourquoi. Parce que ça venait encore de plus loin. Vous pensez que ça doit être une chose grave, une bonne raison, hein? Oui, c'est vraiment un village de crétins. Hein? Mais non, monsieur l'instituteur, c'est un village où on a de l'amour propre. Voilà. Trois pelés, quatre tondus et tous fâchés les uns contre les autres. Mais on se rencontre quand même, au cercle ou à la chorale. Ah, mais les fâchés, ils se parlent pas. Ouais. Bon, mais ça va, j'avais retiré Casimir, mais avant, je vais voir le pain du nouveau boulanger. C'est ce matin qu'il commence? Eh oui, la première fournée doit sortir vers 11h. Bon, ben alors, je vais te faire boire le mulet et j'y vais aussi, hein. Et puis moi, alors, j'avertis Casimir. C'est ça. Pétugue part en courant. Dites, monsieur l'instituteur, ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Ça ferait parler, on me jugerait mal. L'instituteur traverse la place déserte.